chapitre 52e, pour l'avenir. Cependant, ce travail de rangement des accessoires et la mise en ordre de la table demandèrent assez de temps à Paulin Broquet et à Gabriel. Quand ils eurent fini, plus d'une grande heure s'était écoulée depuis le départ des aides. Maintenant, le 1 et le 2 se trouvaient seuls dans le souterrain, seuls, mais entourés d'ennemis nombreux, enfiévrés par le retour du chef, la promesse de victoire, l'excitation des pièces d'or. Seuls, et dans ce souterrain aux galeries nombreuses et mystérieuses, par où, tout à coup, pouvaient surgir Zygomar et ses hommes les plus hardis, les plus impitoyables. Paulin Broquet comprenait la situation dramatique dans laquelle lui et son second Gabriel s'étaient jetés, voyait les périls qui les menaçaient de tous côtés. Et cependant, très calme, sans la moindre inquiétude, la plus faible nervosité, il continuait à vaquer à cette besogne d'appariteur, à jouer leur rôle sans trouble, sans hâte, sans peur. Puis, quand tout fut fini, Paulin Broquet, comme s'il avait l'intention d'accomplir une ronde de sécurité, fit le tour de la salle, examinant tout, sondant les galeries de ses yeux extrêmement aigus, inspectant les parois de la voûte et les piliers qui la soutenaient. Il avait la certitude que Zygomar, pour jouer cette comédie, pour arriver à son coup de théâtre, n'était pas passé avec les autres. Paulin Broquet pensa que pour avoir eu le temps de tout préparer, d'aménager de son côté la tribune, Zygomar devait être entré dans les catacombes bien avant que lui et ses compagnons, le 1 et le 2, ne vinssent occuper dans le couloir des patates le salon où se trouvait la trappe. Mais, depuis la séance finie, Zygomar et ses assesseurs avaient disparu. Or, Paulin Broquet, qui cependant, tenant essentiellement à les reconnaître, surveillait chaque zède, examinait attentivement tous ceux qui passaient devant lui pour sortir, n'avait pas vu parmi eux quelqu'un pouvant attirer ses soupçons. Donc, se dit-il, Zygomar pénètre ici par une autre porte et s'en va par une issue de lui seul connue et qu'ignorait le 1 et le 2. Cela, en somme, était tout naturel. Il était évident que parmi toutes les voix qui rayonnaient autour de cette salle, une d'elles devait, à une distance plus ou moins longue de la baleine, offrir une entrée dont Zygomar, à l'insu des affiliés, pouvait profiter. Paulin Broquet se demanda un moment s'il devait la chercher, mais il se dit que c'était pour, en somme, un maigre bénéfice, se donner un surcroît de fatigue, que cela lui ferait perdre beaucoup de temps pour rien, et il abandonna cette idée. D'autant plus maintenant que tous ces hommes ayant quitté le souterrain, il se trouvait seul ici avec Gabriel, à la merci d'un retour offensif de Zygomar, d'une surprise, d'un piège. « Montons, » fit-il à Gabriel. Mais auparavant, il eut l'idée d'aller voir ses amis endormis, le 1 et le 2, de les réveiller, de jouer auprès d'eux la comédie convenue, de simuler le réveil, de se prétendre lui aussi et son camarade le harpon, victime d'une agression de Zygomar. En homme prudent, Paulin Broquet tout à l'heure n'oublia pas de marquer le souterrain, le couloir dans lequel, avec Gabriel, il avait déposé le 1 et le 2, profondément endormis. Ce lui fut à présent très facile de le reconnaître, de le retrouver. Paulin Broquet et Gabriel s'étaient munis chacun d'eux d'une petite lampe à essence. Ils avancèrent donc dans le souterrain, après avoir enlevé la marque faite par le détective. Ils ne tardèrent pas à arriver à l'endroit où ils avaient déposé le 1 et le 2 endormis. Là, une grande surprise les attendait. À leur place, au milieu du souterrain, Paulin Broquet aperçut une feuille de papier posée à terre et retenue par un gros éclat de grès. Le détective la ramassa, l'ouvrit, et à la lueur falote de la lampe à essence, il lut ces mots tracés à l'encre rouge. « Bien joué, Paulin Broquet, mais à moi la revanche, Zygomar. » Paulin Broquet sursauta. Il se demanda si maintenant, après ce papier, qu'il regardait comme une sérieuse provocation, il ne devait pas poursuivre son idée première, se lancer à la recherche du couloir par où pénétrait Zygomar, et commencer aussitôt une nouvelle attaque. Mais Gabriel, qui lisait en lui, devina sa pensée. « Non, chef, non. Ce sera plus que de l'imprudence. Ce serait de la folie pure. Je sais que le danger à courir dans cette entreprise vous tente beaucoup, mais vous n'en tirerez aucun résultat. Et vous n'avez pas en ce moment le droit de risquer par plaisir votre vie. Là-haut, il y a des Broquets qui attendent vos ordres. Il faut penser à eux. » Le détective alors plia la feuille de papier, la mit dans sa poche et dit à son second « Tu as raison, allons. » Paulin Broquet et Gabriel regagnèrent donc le couloir qui conduisait à l'escalier de pierre. Peu après, par la trappe, ils sortaient du souterrain. Dans le cabinet où cette trappe donnait, ils trouvèrent quatre hommes de la brigade et l'amorce à qui Paulin Broquet avait dit d'occuper ce salon afin d'empêcher les aides de fermer la trappe, de barrer le retour, de le tenir prisonnier. Des hommes sont venus en effet, dit l'amorce à son chef, qui ont essayé de prendre ce salon. Mais ils ont dû abandonner cette idée après échange de quelques coups de poing. Paulin Broquet dit alors, « Mes amis, nous n'avons plus rien à faire ici aujourd'hui. Que tout le monde rentre, selon la consigne. Bien, chef. » Le détective demanda à l'amorce, « Le prisonnier, qu'est-ce qu'on en a fait ?»« C'est ma pipe, chef, qui s'en occupe. Il a dû le mettre dans sa voiture et l'emporter. Moi, je surveillais les environs, et ne suis venu ici que pour assurer votre retour, qui se faisait bien attendre depuis la fin de la séance. Bon, nous partons. » À ce moment, dans le cabinet, un des broquets à qui le détective tout à l'heure avait confié le prétendu zigomard prisonnier apparut. Il semblait tout ému, tout défait. À sa vue, Paulin Broquet, saisi par un mauvais pressentiment, tressaillit. « Qu'est-ce qu'il y a ? » lui dit-il. « Parle vite. »« Chef, » répondit l'homme, « vous nous aviez confié à Girard et à moi le prisonnier. Oui, après, nous l'avons porté dans la cour pour pouvoir l'enlever plus facilement quand la voiture avancerait. Alors ?» Alors je suis allé, moi, prévenir ma pipe, lui dire d'avancer. Ma pipe est venue. Il était là, derrière la baleine. Je suis revenu dans la cour pour aider Girard à transporter le prisonnier. Et voilà, chef, c'est épouvantable. Le prisonnier n'y est plus. Et Girard ? Demanda vivement Paulin Broquet. Girard ? Girard est par terre, avec un poignard dans le dos. Paulin Broquet se dressa tout pâle. Les hommes frémirent de colère, d'indignation. Ils eussent, sur le champ, voulu venger leurs camarades, livrer bataille aux compagnons de Zigomard. Paulin Broquet les conta. « Patience, mes amis, la vengeance va venir. » Puis il dit à son homme, porteur de cette triste nouvelle, « Conduis-moi auprès du malheureux Girard. » Silencieusement suivi par Gabriel, derrière son agent, il se rendit dans la cour de la baleine. Quand il leur avait été remis, Girard et cet agent avaient transporté le prisonnier sous une sorte de petit hangar fait de mauvaises planches et recouvert de feuilles de zinc. Ce hangar, écurie et réserve, entrepôt de débarras, magasin de chiffons, réceptacle de vieilles ferrailles, pouvait pendant quelques instants abriter Girard et son prisonnier. « C'est là, » expliqua l'agent à son chef, « que Girard se tenait en attendant mon retour. C'est moi qui suis allé prévenir ma pipe pour qu'il vînt avec sa voiture prendre le prisonnier. » Je suis revenu avec ma pipe qui attendait dehors à la porte. Je suis rentré dans le hangar pour aider Girard à transporter le prisonnier. J'ai appelé Girard, je lui ai dit « Hop, ça y est, ma pipe nous attend dehors. » Girard n'a pas répondu. Étonné, anxieux, j'ai encore appelé Girard et comme il faisait nuit, j'ai frotté une allumette et j'ai trouvé mon pauvre camarade par terre à la place de l'homme qu'il gardait. Je me suis penché sur lui et j'ai vu qu'il portait entre les épaules un poignard enfoncé jusqu'à la garde. Alors, affolé, je suis venu dans le cabinet où je savais trouver quelques-uns des nôtres, un des lieutenants du chef. Paulin Broquet avait écouté silencieusement le récit, un peu haché, de son homme, grandement ému. Puis il pénétra dans le sinistre hangar. Il s'éclaira au moyen de sa petite lampe électrique de poche. Le spectacle était horrible, navrant. Sur un tas de chiffons, de débris de toutes sortes, son homme gisait, couché sur le ventre. Il avait les bras détendus et ses mains crispées semblaient retenir à jamais quelque chose, le prisonnier confié à ses soins et qu'il voulait garder même dans la mort. L'homme, habillé en rôdeur, en apache, comme les autres, portait un vieux veston noir. Sur le noir de ce veston usé, déchiré, de ce couvre-misère infâme, tranché crûment sous le manche d'ébène quadrillé, la garde d'acier poli du poignard. Et cette garde fomait un zède brillant, scintillant, qui se teintait maintenant de rouge. Paulin Broquet se pencha sur son homme. Il passa sa main sous le corps, tâta la poitrine, chercha à sentir si le cœur battait encore, mais c'était un espoir sur lequel il ne comptait pas. Au premier coup d'œil, à la place où se trouvait le poignard, à la façon dont il était posé qui indiquait le chemin parcouru par la lame, Paulin Broquet avait compris que la pointe de l'arme avait traversé le cœur, que la mort du malheureux avait été foudroyante. Alors il se releva, et silencieusement, grave, il ôta la casquette ignoble de voyou qui couvrait sa tête et il salua pieusement, douloureusement son homme, son soldat du devoir, tombé dans cette bataille. Puis il dit à Gabriel, « Tu vas te charger de ce pauvre Girard. Transporte-le à l'Hôtel-Dieu, puisque ma pipe est là. Faites vite. » Il revint dans le couloir de la baleine. Dans le cabinet des patates, il retrouva ses hommes et l'amorce qui, impatient, attendait son retour. Paulin Broquet, en rentrant, dit seulement « Girard est mort ». L'amorce, les autres Broquets se levèrent, et portant la main à leur front, ils firent le salut militaire, rendant ce suprême hommage à celui des leurs qui venait d'être tué. Mais dans leurs yeux, Paulin Broquet vit briller des flammes, il comprit. « Le venger, » dit-il. « Oui, chef. » « Tout de suite, oui, attendez, je vais voir si c'est possible. » Il quitta le couloir des patates et alla jeter un coup d'œil dans la fourgue. Depuis un moment, il était inquiet. À son sens, dans la baleine, on ne faisait pas assez de bruit. L'enfer qui était cet antre du père Fricard n'était pas assez enfiévré, assez fou. Il n'y avait pas encore de bataille, pas de cris de douleur, pas de hurlements de forcenés, d'alcooliques, pas de blessés jetés à la rue. Cependant, les hommes avaient reçu non pas seulement des pièces de 100 sous, comme l'autre soir, mais des pièces de 20 francs, des louis d'or, c'est-à-dire de quoi boire, c'est-à-dire de quoi s'enivrer, faire du tapage, hurler, se battre, s'entretuer. Et dans la fourgue, tout comme avant la distribution des pièces d'or, les clients chantaient faux, mais sans trop brailler, le refrain avec la gouailleuse, avec les feuilles du printemps, les 16 ans de ma gosse. Cela ne semblait pas naturel à Paulin Broquet, et il voulait en connaître les raisons. Il pénétra donc dans l'antre du père Fricard et jeta dans la fourgue un coup d'œil. Ce seul regard lui suffit pour comprendre ce qui se passait, pour se rendre compte de la situation. La majeure partie des clients de la fourgue étaient des hommes à lui. Les autres n'étaient que des miséreux, des vrais, qui jamais n'avaient passé sous ses yeux pour descendre dans les catacombes, qui n'avaient point assisté à la séance dramatique, qui ne faisaient certainement pas partie de la bande de Zigomar. Quant aux aides, il n'était plus là, il n'y en avait pas un seul, tous étaient partis. Zigomar avait bien pris ses précautions. Assurément, il s'était rendu compte du déploiement des forces de Paulin Broquet, ayant de son côté reconnu les hommes du détective et compris que ce soir, une bataille avec eux, outre qu'elle n'était pas nécessaire, n'apporterait aucun profit et pouvait être longue, pénible, douteuse. Il avait préféré céder le terrain et laisser le détective avec ses hommes disposés au combat, sans ennemis, devant le champ libre. C'était très adroit. Paulin Broquet dut le reconnaître, tout en rageant énormément en son fort intérieur. « Allons, se dit-il, maintenant on sent bien la main du vrai Zigomar. »